con, faut faire vite et apprendre à survivre. Se prendre en main, décoller et pouvoir rester libre. Bouge-toi si tu veux pas mourir aux zoo. Réveille-toi, t'as qu'à te servir ton cerveau. Lève-toi, t'as pas les mains liées dans le dos. Démène-toi si tu veux vraiment sauver ta peau. Action pour pas mourir aux zoo. Démène-toi si tu veux vraiment sortir du ghetto. Full action pour pas mourir aux zoo. Action! Full action!